dit : Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création.